La première partie, je m'en souviens pas, là, mais il y a quelqu'un qui a mentionné qu'on a parlé de la haine et de l'amour, puis de la haine envers les hommes, et puis tu as mentionné qu'il y avait plusieurs solutions qui étaient malheureusement pas applicables aujourd'hui, mais c'est que, là, que tu voyais. Ça regarde pas, ça regarde l'intervieweur et un individu. Et puis, tu as mentionné que... T'es pas un délateur? Que non. Pas en public, en tout cas. Tu as mentionné qu'il y avait plusieurs solutions qui n'étaient pas applicables maintenant, que tu les voyais. Puis, à travers ça, tu as dit, mais il y en aura une solution qui serait applicable. Puis là, tu as continué. Puis tu ne l'aurais pas dit, puis moi, je t'aurais coupé. Fait que les gens ne l'ont toi, pas tu su. Tu m'aurais coupé? Oui. Voyons donc. Je suis très surpris, mais... Tout peut arriver si on est manipulé. Alors, je ne sais pas si tu peux te souvenir de ça ou si tu peux rejoindre cette connexion-là. Après qu'elle m'a posé la question, que je m'en souvienne ou pas, je vais répondre. OK. Quelle est la solution qui est applicable maintenant pour enrayer la haine de l'homme envers l'homme? Il y en a tout un lot, mais chaque fois que j'en vois une, je vois l'humain qui trouve des façons de contourner ça. La façon la plus évidente, la façon la plus simple, la plus banale, il faut absolument que l'humain reste en contact avec des sources d'énergie. Tu parles toujours d'auto-vibratoire, toi, là. Alors, la façon la plus évidente pour l'humain, c'est de rester en contact avec des individus qui ont des taux vibratoires élevés et de rester en contact avec des démarches qui te permettent d'entretenir ou d'élever ton taux vibratoire. Ça, c'est la façon la plus facile. Un individu qui se conscientise puis qui perd le contact avec l'énergie pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, quand il revient, veut pas, il est très, très, très, très en bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas... J'ai expliqué souvent le principe des réservoirs, c'est-à-dire que quand tu le remplis, ça se met, ça éclate, ça s'en va, c'est quantique. Pas religieux, là, mais... Alors, c'est quantique, ça fonctionne à coup de quanta. Quand c'est plein, ça passe. Alors, l'individu qui est en train de remplir son réservoir, s'il s'éloigne, le réservoir se baisse, donc il devient mort, commence à synthétiser, commence à haïr. Je vais ailleurs. Ouh, je suis une cour après. Une mouche à la génie. Bon. Pas la même mouche. D'autres genres de mouches. Mais... Ce qui est important de comprendre, donc, c'est que l'individu qui s'éloigne le moindrement de la source, ou de ses amis énergisés, ou si le groupe s'éloigne de la source, veut pas, ils vont perdre, ils vont mourir lentement. Parce que l'individu n'a pas éclaté, l'individu n'est pas libre dans sa conscience. Toi, tu es libre dans ta conscience. Fais charrier, etc., parce que les affaires au niveau d'ego, tu ne comprenais pas. Mais toi, même si tu es loin de la source, tu restes toujours en train d'essayer de comprendre. Bon, il n'y a aucun problème. Toi, fondamentalement, tu ne changes pas. Tu n'haïs pas plus l'humain, tu es un bon gars. Tu fais fourrer à cause de ça. Puis tu restes le même. Donc, toi, ça va. Tu peux t'éloigner. Puis tu restes vivant. Puis quand tu te fais avoir, tu t'en rends compte une heure, deux heures après. C'est sûr que toi, quand tu te fais avoir, c'est astronomique. Bon, on comprend. Mais... pour le commun des mortels, ça va leur coûter moins cher quand ils vont se faire avoir. Parce que lui, quand il va emprunter, il va pas voir les banques, ils sont pas assez riches. En tout cas, mais pour le commun des mortels, c'est ce qu'il doit faire. Il n'y a rien à faire. Les individus se doivent d'assister le plus souvent possible à des conférences, à des réunions. Je dis souvent qu'entre eux autres, ils doivent se réunir. Le problème, c'est qu'ils se réunissent entre eux autres et ils commencent à s'identiser. Bon, ils essayent de se donner de l'autorité pour parler, alors pour ça, ils vont descendre les autorités extérieures. L'individu, l'humain, si l'humain reste en contact énergétique, il n'y a pas de problème. Puis ça se faisait au niveau de la spiritualité, c'est la même chose. Si tu es en guirlandais, tu croches travers, plus tu es en contact avec la secte, mieux c'est. Sauf qu'au niveau de l'intelligence, c'est la même mécanique. Plus t'es au niveau de la santé, c'est la même chose. Reste en contact avec la santé, tu vas rester en santé. Quand tu parles que les gens se réunissent pour échanger, c'est pour pratiquer la parole, pour en venir au verbe, ça? Absolument. Les gens doivent rester dans cette énergie-là. C'est pourquoi, par exemple, on a créé les structures des compagnies. Les individus qui travaillent ensemble restent dans une énergie à temps plein. C'est sûr qu'on ne peut pas engager tout le monde d'un coup. Il n'y a pas des trous pour tout le monde, mais il y a du monde qui vient de flâner et il reste dans l'énergie. Mais ce qui est important, simplement, pour éviter, justement, de d'haïr l'humain, c'est de garder son taux vibratoire à un niveau où tu es bien conscient que c'est pas elle, c'est pas lui, puis c'est pas l'autre, puis c'est pas, etc. Que l'humain est manipulé, puis que toi, tu es manipulé, puis que c'est l'astral qu'il faut que tu haïsses. Puis l'astral s'arrange pour faire ça tellement parfait, les manipulations. C'est au mot près. Tu fais quelque chose, là, puis la seule façon de te déranger, même si tu es puissant, c'est que quelqu'un arrive avec tel mot. Ben, il va arriver au bon moment avec le bon mot. Puis là, tu as eu l'autre, tu es débranché radicalement, puis il saute d'en face. Bon, sauf que si tu es intelligent, après il a sauté d'en face, tu vas t'excuser, tu vas lui dire que c'est l'astral. Là, tu es fourni des diachylons, puis tu y remets un mouchoir, puis là, tu l'invites à ta table, puis tu te rends compte que tu n'as pas à t'haïr. Tu n'as pas à l'haïr. Mais il faut que l'humain soit réchauffé, parce que si l'humain n'est pas réchauffé, automatiquement, l'humain est fait à l'os. Puis c'est la façon la plus facile, reste en contact des sources énergétiques. Laquelle est la meilleure façon de ne pas geler? Reste près de la chaleur. C'est simple, hein? Dans les réunions, lorsque des gens font un cheminement, commencent un cheminement, souvent, Daniel, ce que tu expliques avec l'oignon, là, que tu enlèves les plures, là, l'ego qui était très belle, qui était diplomate, qui était souriante. Elle devient laide. Là, elle devient... Oui, mais le mental... Elle se manifeste. Et puis, ce qui rend plus difficile l'accessibilité à une durée de réunion, tu sais, que les gens se rendent compte, après qu'ils sont vus deux fois, ils disent ça, qu'en fait, c'est bien bête, tu parles bien bête, ou oui, ils pensent tout connaître, puis ça marche pas de même, tu sais, puis là les gens, ça refroidit, puis ça éloigne les gens. Parce que les gens se réunissent pas dans un bon contexte où les gens n'ont pas suffisamment ils n'ont pas accès à une personne suffisamment énergisée. Quand on fait les soupers Genesis, c'est justement ce qui arrive. Les individus se réunissent au moins une fois par mois, puis ça les aide. Sauf que l'individu qui fait partie du contexte planétaire ne comprend pas l'idée. Bon, il y en a qui viennent évidemment en snob, là, mais il y en a qui viennent puis qui bénéficient. Sauf qu'après un an, comme par exemple, on a demandé aux individus de renouveler pour Genesis, moi j'avais vu que ça tiendrait un an, c'était correct. Ça l'a tenu un an, c'était correct. Quand c'était le temps que les gens renouvellent leur adhésion au mouvement Genesis, donc pour pouvoir se réunir encore, les gens, ben là, pas tout de suite, pas cet été, ben en septembre, puis peut-être au mois d'août, puis peut-être ici. Bon, fait que moi, j'ai carrément cancellé ça, fini là. C'est une façon extraordinaire d'énergiser les gens. Ça permet aux gens d'être une fois de plus en contexte aristocratique, dans un contexte. Ça amène énormément d'énergie, sauf que l'individu, lui, c'est ce qu'il ne voit pas, c'est le résultat immédiat là. Mais c'est absolument effarant la quantité de résultats, de choses qui se passent. L'individu ne fait pas de relation. Puis en plus, dépendamment d'où l'individu partait, ça y prend 8 mois avant de s'autoriser à être dans un cadre aristocratique, puis que 4 mois après, on arrête. Ça fait 4 mois que lui en bénéficie convenablement. La personne que ça fait 12 mois qu'elle en bénéficie, c'est déjà beaucoup mieux. Il y a toute une mécanique, une démarche qui se fait comme ça, sauf que l'être humain ne veut pas s'autoriser à vivre dans un contexte qui ne fait pas partie de l'ancien monde. Puis quand l'humain, le Genesis, ça va peut-être reprendre, ça dépend simplement des individus. Les individus, plusieurs disaient, en septembre, on va voir, peut-être. Bon, on approche de septembre, on va voir. Bon. Sans ça, on va faire d'autres choses avec les individus il y en a qui ont déjà réservé. Il y a du monde qui, énergétiquement, sont intéressés. Mais c'est ça qui est le gros problème, c'est que l'humain ne voit pas, c'est toujours l'ego qui charrie. L'humain est en contact, mais il faut que l'humain en bénéficie. On faisait des soupers Genesis, on dit, on va parler des fleurs roses. Il y a du monde qui arrive, qui parlait de la mécanique automobile, qui parlait de ci, de ça. Bon. Il y a du monde qui ont passé un an comme ça à venir manger aux tables et à jaser de n'importe quoi. Puis après ça, bien là, ça bénéficie pas. C'est sûr que ça bénéficie pas. Ça bénéficie un petit peu, mais pas beaucoup. Il faut absolument que créer des contextes. Toi, par exemple, tu n'as pas d'énergie, ce qui n'est pas le cas, mais tu n'as pas d'énergie, tu te réunis avec des individus qui n'ont pas d'énergie, puis ensemble, vous essayez d'en avoir de l'énergie. Écoute, allez donc à une conférence à la place. Facilitez-vous la vie. Puis après une conférence, c'est énergisé, allez au restaurant à manger. Tu sais, mais là, le temps que c'est le temps. Puis dans la semaine, ça te fait fou avoir, ça descend lentement, on comprend ça. Mais quand tu as des occasions de te baigner, tu te baignes. Si, par exemple, à un moment donné, tu arrives à rencontrer des gens avec lesquels tu peux engendrer une dynamique réellement ascensionnelle, ça ne t'empêche pas d'aller aux conférences ou de temps en temps rencontrer d'autres individus. Mais là, au moins, tu as une mécanique synergétique. Le danger, c'est quand l'humain se crée une mécanique synergétique, si elle n'est pas assez forte, il va se dissocier avec son groupe. Parce que là, il pense qu'il n'y a plus besoin. C'est une question d'alliance. On a tous besoin d'être ensemble. Le groupe qui s'en va, là, il nous perd, puis on le perd. C'est idiot. Ça, l'humain ne comprend pas ça. Bon, alors, il faut que l'humain se tienne près d'une source énergétique, d'un contexte énergétique. OK. Là, on fait référence à des gens qui ont fait des séminaires, quand tu parles comme ça. On peut-tu faire un parallèle, puis y a-t-il une différence, c'est-à-dire, entre les gens qui vont placoter contre le monde, puis avec, c'est la haine qui pousse à placoter contre le monde, avec ceux qui ont fait un séminaire, puis ceux qui sont à l'extérieur d'avoir fait un séminaire, ceux qui n'ont pas fait un séminaire, puis qui sont, disons, qui ne font pas nécessairement un cheminement spirituel hors de l'ordinaire. Non, c'est l'esprit clocher pour tout le monde. Oui, c'est ça. C'est-tu la même énergie, ou bien si le fait qu'ils ont fait un séminaire, qu'ils sont dans une vibration un peu différente, l'énergie, pas l'énergie, mais on les prend différemment, c'est plus subtil, c'est plus difficile de sortir de cette manifestation d'énergie. C'est sûr que c'est plus puissant, c'est plus rapide. C'est plus subtil. C'est évident. Mais ça ne change rien à la solution. Si tu es auprès des sources d'énergie, tu n'auras pas ces problèmes-là. Tu vas en avoir. Mais mettons, tu parles contre quelqu'un, puis après ça, on se réunit, puis on se rend compte, puis on trouve ça idiot. On règle les problèmes. On continue, nous autres, à traverser toute la connerie du mauvais monde pour se diriger vers le bon monde. Sauf que si on ne s'en rend pas compte, puis on placote, que tu sois séminariste ou que tu sois extra-séminariste à l'extérieur, ça ne change rien au placotage. Toute la mécanique astrale est organisée pour que l'humain ne puisse pas s'allier. Et s'aimer, mais d'une façon intelligente. C'est ça, l'alliance. Parce que quand j'observe la solution que tu amènes, qui est applicable, qui est de se réunir, je ne vois pas tellement comme solution. Ça, c'est correct. Je comprends. Ce que je vois, c'est-à-dire, c'est que ça va permettre d'avoir un haut taux vibratoire qui va maintenir... Qui est la solution. C'est ça qui... C'est ça. Il n'y a pas de technique. Pendant que je suis en train d'haïr l'autre que je ne vois pas, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, haïs-le. Tu ne peux rien faire d'autre. C'est pour ça que tu ne pourrais pas appliquer, tu ne suggérerais pas, j'imagine, la même solution à quelqu'un de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai été chercher un groupe de l'extérieur. Non, lui, j'expliquerais qu'il, spirituellement, qu'il faut qu'il apprenne à respirer, il faut qu'il apprenne certaines choses, il faut qu'il aime l'humain, il faut qu'il se rende compte qu'il se fait mal, puis il fait mal aux autres, puis pour qu'il arrive à cesser de nourrir les mécaniques d'un contre l'homme. Bon, mais évidemment, c'est de la spiritualité, mais pour lui, ce serait à son niveau, ce serait correct. Mais pour les gens qui sont suffisamment conscients, si je vous dis ça, ça va fonctionner aussi. Sauf que ce qu'il faut, c'est aller chercher ce qui va nous permettre de monter en même temps. Puis ça va régler toutes les autres faiblesses que l'humain peut avoir en même temps. C'est ben pas oui. Nécessairement seulement que... Absolument. Plus tu es ensemble avec des individus qui viennent d'un autre monde, l'autre monde, c'est le monde où toutes tes connexions ne sont pas dedans, plus tu es avec des individus qui sont capables d'aller chercher de l'information dans ce monde-là, plus toi, ça te branche dans ce monde-là. Puis plus, à un moment donné, tu vas avoir suffisamment d'énergie pour être capable d'instruire ton ego que ça... Que ça lui tente, manipule, que ça lui tente d'être dans ce monde-là. À un moment donné, tu vas faire les choses qu'il faut pour amener les outils planétaires dans le monde actuel pour te permettre une transition dans l'autre monde. Tu n'essaieras pas de bâtir le nouveau monde ici. Essayer de bâtir une montagne, vous allez voir, c'est compliqué en maudit. Si tu vas simplement déménager, il faut amener des outils pour déménager. Bon. Et la première chose que l'humain va comprendre quand l'humain va être intelligent, c'est qu'on doit, puis tu peux spiritualiser si tu veux, mais c'est simplement niaiseux, c'est que vous devez absolument vous arranger pour associer les autres personnes, les autres corps physiques qui ont de l'intelligence. C'est une mécanique. L'alliance doit s'étendre. Donc, il doit y avoir des alliances entre les gros blocs qui reçoivent de l'intelligence, il doit y avoir des alliances entre tous les individus qui reçoivent de l'intelligence. Tout à l'heure, il y a une personne tout à l'heure qui me disait qu'il y a un individu qui connaît, puis ça, il faut qu'il aille la réveiller. Ça, c'est une personne qui est intelligente puis qui est endormie. Puis la personne qui me dit ça, elle ne me dit pas ça spirituellement. Elle n'a pas décidé que l'autre était intelligente et endormie. Tu sais, elle le sait. Mais là, effectivement, tu sais, va la voir. Puis si elle ne veut plus jamais te voir après, au moins, ça sera réglé, un angle de coupé. Un autre ira le ramasser peut-être, tu sais, ça fait plaisir au spirituel, mais ça fait un angle de coupé. Mais tu n'as plus d'énergie là. Et sinon, réveille. Réveille-le, qui monte à bord. Après ça, il pourra servir aussi. Nous, il se servira de nous et nous, on servira de lui, mais on va à la même place. La majorité des jeunes du Québec sont intelligents. Donc, en partant, les laisser carrément lâcher l'école, c'est pas l'école l'important, c'est qu'ils lâchent la vie à travers l'école. Bon, l'école les amène carrément au suicide. C'est pas à faute des enseignants, c'est pas à faute de rien de tout ça, c'est un principe, ça marche de même présentement. Bon. Alors, il faut nécessairement faut créer des techniques pour aller ramasser les individus. On doit tout faire pour que les individus qui ont de l'intelligence s'éveillent à leur intelligence. Puis quand je parle tout faire, c'est pas du porte en porte, avez-vous de l'intelligence, oui, non, c'est ça l'idée. On le sait. Tout à l'heure, ne pas être neutre. C'est pas juste au niveau de la haine. Ne pas être neutre. Il y a un pays qui attaque un autre pays, puis c'est épais. C'est la plus grosse force militaire au monde, mais tu n'as pas d'entente signée avec le pays qui se fait attaquer. C'est tant qu'elle est épais. Va donc aider ceux qui attaquent. C'est tant qu'elle est épais. C'est ce qu'on fait présentement. Il y en a qui ont de l'intelligence, on les laisse mourir, on les laisse se droguer, on les laisse boire. Là, je ne vous dis pas d'aller le voir pour le brasser. Il y a des mécaniques sociales qu'on peut installer dans les structures sociales. Puis l'argent, il y en a en masse. Les gens vont vivre de ça. Il y a une personne dernièrement qui me disait, écoute, le Graal, est-ce qu'on l'a trouvé ou pas? Bon, mais moi, je disais, le Graal, il est là, il te pend au bout du nez. Mais bon. Puis finalement, la personne, elle a compris que oui, le Graal, c'est simplement le savoir. Et si ce n'est pas communiqué, tu vas le perdre. Et si tu le communiques convenablement, il va t'amener tout le reste de complet, richesse, etc., etc., etc. C'est évident. Puis le Graal passe uniquement par l'éducation. Tu n'as pas le choix. Bon, moi, j'ai déjà dit à un journaliste que j'étais un perfecteur de conscience et que mon rôle planétaire était de changer toute la pédagogie à l'échelle de la planète. Les religions éduquent, moi, il faut que j'aille changer leur structure pédagogique aux religions. Tout, partout sur la planète. On était sur son bateau. Il était bon. Il était assis confortablement, puis quand j'ai fini, il était écrasé confortablement. Bon. Mais c'est pas trop pire. Lui, à l'université, il s'est fait mettre dehors parce qu'il faisait des conférences extraterrestres. Bon. Mais c'est ce que l'humain doit faire. Puis la communication ne se fait donc pas par le porte-à-porte ou etc., etc., etc. Il a écrit un livre de pédagogie, puis il ne sera jamais publié. Bien, au moins, tu as communiqué. Je dis souvent, il faut que l'humain monnaie son intelligence. La façon de monnayer son intelligence, c'est en instruisant. Refaire la psychologie. La psychologie, c'est dangereux. C'est l'un des grands vecteurs de l'astral, la psychologie, comme les religions. On te fait croire que t'es correct. C'est pas compliqué, mais bien, t'arrives, tu croches, là, puis on te reprogramme pour que tu repartes dans l'eau là-bas, puis tu te sens bien. Bon, c'est comme les religions. Juste pour changer de sujet. Non, je... 1492 a connu plusieurs hommes célèbres. Il y a eu plusieurs changements, disons, qui se sont opérés dans cette ère-là. Mais en 1492, il y avait De Vinci, il y avait un paquet d'hommes qui ont changé, qui ont amené différentes directives à la planète. On peut-tu faire des parallèles entre 1492 et 1992? Oui. Lesquels? Hein? Lesquels? Il me laisse même pas le temps de rire et c'est pas pire, hein? Prends pas de chance. Il y a des nœuds temporels. On est dans un nœud temporel. 1400, 1500, nœud temporel. L'an 1000, l'an 1100, nœud temporel. L'an, on va dire l'an 0 qui n'a jamais existé, là. C'est l'an moins 1 à l'an 1, tu sais, il n'y a jamais eu d'an 0, ils ont sauté un an. Alors, nœuds temporels, puis d'autres nœuds temporels à travers l'histoire. Il y en a eu d'autres à partir de l'an 0 à jusqu'à maintenant, tu en as eu plusieurs. Un nœud temporel, c'est quand, à un moment donné, se réincarne la majorité des vestiges mémoriels d'individus puissants du passé. Se réincarne en même temps, dans la même époque, puis souvent à la même place. Présentement, au Québec, il y a Michel de Nostradam, il y a Nostradamus qui est incarné. Il est en train d'être digéré, là. Bon, il y a le Baptiste qui est digéré, mais qui s'est incarné ici. Il est digéré plus là, il n'est plus, mais disons qu'il s'est réincarné. Il y a eu Jésus, il y a eu les chevaliers de la table ronde, il y a eu plusieurs, il y a eu Gauvin, il y a eu un paquet d'autres, il y a eu les reines, il y a eu des mauvais, des bons, il y a eu des enfants. Il y a des Égyptiens très puissants qui sont incarnés présentement au Québec. On a certains rois atlantes qui sont incarnés au Québec. On a des Romains, de grands Romains qui sont incarnés au Québec. On a des pharisiens qui sont incarnés au Québec. On a donc, présentement, c'est un nœud au niveau temporel. Ça veut dire qu'il y a énormément d'individus qui se perdent à travers le temps et qui subitement se recroisent dans un nœud temporel. Et prenons l'exemple de Michel-Ange. Et Michel-Ange puis Léonard de Vinci se font la guerre. Et ils restent dans le même contexte, parce qu'à l'époque, la télévision n'existait pas, il fallait qu'ils restent pas trop loin. Tu sais, c'est sûr, c'était quelques journées de cheval, mais... Puis il n'y a pas eu juste eux autres, il y en a eu d'autres. Mais si on regarde le génie de l'un puis le génie de l'autre, puis ça n'a pas de maudit bon sens qu'on n'ait personne de bon pendant longtemps, puis subitement, t'en as plein. Ils sont tous aussi bons. L'astral, ça marche de même. Hein? Plein de gâteaux d'un coup, puis ils n'en ont pas pendant 2 ans. Bon, ben c'est ce qu'ils ont fait. Ils auraient pu faire naître Michel-Ange 300 ans avant ou 50 ans avant. Ils ne seraient pas engueulés avec Léonard de Vinci, puis on aurait eu des... Bon. Les nœuds temporels font en sorte que les individus se réunissent. Puis ce qui est important aussi dans les nœuds temporels, ce qui est différent actuellement en 92 de 1900, fin du 20e siècle, c'est que la majorité des réincarnations dans les nœuds temporels sont des réincarnations circulatoires, c'est-à-dire que Léonard de Vinci réincarne pendant 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, un individu, puis subitement, la réincarnation s'estompe lentement pour être remplacée par une autre incarnation d'un personnage puissant. Alors, le bonhomme va être un médecin génial, puis à un moment donné, il finira rien parce qu'il n'est plus médecin, il a le goût pour la peinture. Là, il commence à être un peintre merveilleux, puis finalement, il a le goût pour la sculpture. Il a le goût pour le génie, puis il a le goût pour d'autres choses, l'astronomie, etc. Il y a eu d'autres époques, l'époque de Newton, par exemple. Bon, on en a eu plusieurs. Il y a eu des nœuds temporels, à un moment donné, où ce que Newton connaît un tel. Le dernier nœud temporel à part aujourd'hui, c'est à l'époque d'Albert Einstein. À l'époque d'Otto, à l'époque de Oppenheimer, tous ces personnages-là qui se réunissent à un moment donné. Bon, il y a des nœuds temporels. La différence avec maintenant, c'est que les individus qui réincarnent ces personnages-là ont la capacité de les retenir, donc de les digérer. Ça veut dire qu'en passant chez moi, puis c'est sûr que je me rends bien compte que je ne me prends pas au sérieux, je ne me prends pas pour lui, je le digère. Je ne deviens pas lui, mais je me sers de son énergie pour les choses que j'ai besoin. Et il reste prisonnier, c'est-à-dire que je reste moi et j'ai ça de plus. Et tout ce que ça me permet, c'est que quand je rencontre les individus qui, dans une autre vie, étaient sous ses ordres et qui maintenant sont en haut socialement, bien, eux me reconnaissent immédiatement, ça m'ouvre des portes. Bon. Alors, la différence, on est dans un nœud temporel, la différence, c'est qu'il y a de plus en plus d'individus qui sont capables de retenir la réincarnation. OK. 1492, depuis l'an 1, est probablement l'année où qu'on a eu connaissance qu'il y avait le plus d'hommes qui ont changé des choses sur la planète. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, qui est venu aux Bahamas. un tas de choses qui s'est passé. C'est une moustache qui te pousse, là. Il est venu à l'île San Salvador, ça m'a fait penser. Et puis, c'était particulier en 1492. Selon mes observations, Daniel, je me suis aperçu, tabarouette, je ne vois pas d'autres années où il y a eu des changements si radicaux. Ben, c'est l'un des parce qu'en médecine, tu as eu Paracels, tu as eu Christophe Colomb, tu as eu Léonard de Vinci, on peut en nommer une quinzaine qu'on connaît tous, c'est ce qu'on a entendu parler. Mais on écrivait plus à l'époque que dans les autres nœuds temporels. Mais à l'époque d'Oppenheimer, d'Albert Einstein, etc., là, c'est parce que ça touche moins, tu ne viens pas de là trop. Bon, on a aussi Adolf Hitler, on a Général de Gaulle, Churchill avec Peace. Il y a eu toute une rematrisation du système planétaire qui est aussi grand. Puis ça en hauteur rien 1492. 1492 est intéressant, puis il y a eu d'autres. C'est que 1492, peut-être, vu que le niveau de connaissance était bas comparé avec 39-45, ça a paru plus. C'est ça. Ça a été des mouvements plus grands. OK. Mais est-ce qu'il y a un parallèle direct? Oui. Là, tu as mentionné qu'il y a des nœuds. Okay. OK. On a connu, là, qu'on vient d'apprendre qu'il y a des nœuds temporels. 1492, on en était un. Puis là, ben, on arriverait en 1992. Bon, quelle relation qu'on peut faire entre 1492 et 1992? La fin d'un monde. Intéressant. C'est ça que mon professeur de morale, moi. Quand je disais mon opinion, j'avais zéro. Fait quand je donnais la sienne, j'avais 100%. Mais c'est quand même ça. Bon, on parle de 1992, 1492, on n'a rien à foutre du tout. Okay. Est-ce qu'on peut faire des parallèles dans chaque domaine qu'il y a eu avec 1492? Par exemple, médecine, est-ce que c'est un nouveau monde de médecine qu'on va connaître? Non, le parallèle comme ça est un peu inexact. Je peux t'en parler de la médecine qui s'en vient. Le parallèle comme ça est un peu inexact, c'est-à-dire que parce qu'il y a un changement dans la vision du monde des individus, ça a changé la médecine. Ça a changé la science, ça a changé l'art. Les personnes sont parties découvrir des mondes. La Terre était ronde pour Colomb. Puis on lui demande comment une Terre ronde peut tenir. T'sais. Il a pris un œuf, puis il l'a enfoncé du côté où il y a de l'air, puis ça a tenu. C'est l'œuf de Colomb. C'était Colomb aussi, comme pas mal comme théorie, mais enfin, ça a expliqué toute l'affaire à tout le monde. Puis là, il est parti. Il a manipulé les gens. Hmm? Il a manipulé le monde. Lui, il était plus avancé. Alors, uniquement, du point de vue énergétique, l'énergie qui était là était apte. Il y avait des individus, c'est un nœud temporel, aptes à recevoir suffisamment d'énergie pour changer la face du monde. Actuellement, c'est ce qu'on a aussi. On a le plus grand ramassis d'êtres intelligents que l'histoire a jamais connu. Et la majorité de ces individus-là vivent au Québec. Bon, l'histoire du Québec étant une histoire judéo-chrétienne très, très, très, très médiocrisée, bien nécessairement, des individus, ça leur prend un laps de temps pour sortir. Ça, évidemment, ça sort de plus en plus, là, mais ça le prend un laps de temps. Présentement, on est rendu à la fin d'un cycle, à la fin d'un monde. Si on veut faire un parallèle, le gros parallèle se fait là, à la fin d'un monde. On ne parle pas uniquement de 92, là, parce que Colomb, il est en 93, puis tout qui a continué, c'est ça. Bon. 92, c'est parce que ça a été... On est à 92 présentement, puis ça se passe bien. Ça se pose bien comme question. C'est ça, exactement. c'est ça. On arrive à la fin d'un monde pour énormément d'individus, parce que c'est évident qu'il y a un paquet de personnes qui n'ont jamais découvert l'Amérique, qui n'ont jamais connu la médecine, qui n'ont jamais rien changé. Ces pays, ces peuples-là vivent encore à l'époque du Moyen-Âge aujourd'hui, même de l'anté-Moyen-Âge. C'est quoi? C'est un trois quarts du système planétaire. Donc, c'est toujours pas pour tout le monde. Nous, vu qu'on est les descendants, les résidus évolutifs de cette transformation-là, ça nous touche. 1492, ça n'a pas changé la vie à grand monde sur la planète Terre. La nôtre, oui. Ce qui, en 92, va aussi changer la vie des individus, ça va changer un peu plus la vie du monde sur la planète, mais pas de la même façon, évidemment. Là. Mais le gros parallèle est là. Si on était en l'an 2100 puis qu'on regarderait ce qui s'est passé dans les années 92-93, commençant par 1900, au Québec, qu'est-ce qu'on verrait? 93-94-95, qu'est-ce qu'on verrait? Est-ce qu'on pourrait faire une meilleure relation avec 1492 puis 1992? Vu d'un autre point de vue, là. On va sortir de 100 ans, là, puis là, on regarde ça. Là. On dit, tu sais, là, ça n'a plus d'importance. Les événements sont arrivés, Daniel. Là, je peux te dire ce qui ne doit pas être dit à l'époque. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est bien gratté. Même si ça ne pique pas. Bon. Oui. Ah, le discours serait un peu différent. OK. Commençons. Mais ça peut faire un parallèle vite. C'est des questions plus particulières. Je te fais confiance. Bon. On va redécouvrir une méthode totalement différente d'engendrer la santé à l'intérieur de l'humain. La médecine en 92, on parle de 92 en montant, là, oui. On ne parle pas de 1992, on parle du contexte. Donc, on donne 10-15 ans, là. 20 ans même. Plus ou moins 5-6 ans, donc en bas, pas en avant. Fin du 20e siècle, disons. On va se rendre compte que ça ne sert absolument à rien de guérir les corps physiques. Les corps physiques qui sont malades, on va continuer à les entretenir pour les guérir, mais on va découvrir une médecine qui va permettre aux corps physiques de rester en santé. La santé du corps physique passe imminemment par, un, la nudité physique, deux, la transparence psychologique, puis il y a toutes d'autres choses comme ça sur lesquelles on pourra revenir à un moment donné. C'est avec une étape, ça, là. Non, le premier, t'as dit la nudité. Oui, la nudité. Nudité? Tout nu. Ah oui? Pas de vêtements. Ah, OK. Quelqu'un t'a l'air. OK. OK. Non, des fois... une Saint Hilaire. Ah oui, c'est correct. Je savais pas. Je n'étais pas sûr d'avoir bien compris. J'ai attendu que tu te rendes au troisième, j'ai bien pensé. Oui, la santé physique. Bon. Alors, le 20e siècle va découvrir donc des méthodes totalement différentes d'éliminer totalement les principes de la maladie chez l'humain. Ça passe par ça, plus par un paquet d'autres choses sur lesquelles on pourra revenir. Bon. Deuxièmement, le 20e siècle va découvrir... Le 20e siècle va découvrir une... trouver les mots, là, parce que faut que je remonte en haut. Là. Je t'ai rendu ici, il était question. J'essaie de t'expliquer au 20e siècle, c'était quoi, là, mais on va retourner en haut. Alors, pose la question, là. Bon. On est en 2100. On est en 2100. Puis, on regarde en arrière ce qui s'est passé dans les années 92 à 2000. Bon, il va y avoir l'élaboration de parallèle avec... Il va y avoir l'élaboration d'hôpitaux qui vont s'occuper uniquement de guérir les corps astraux. Il va y avoir... c'est ça, c'est, ce n'est pas de la médecine, ce n'est plus de la psychologie. La psychologie va être reléguée au niveau des trépanations au début de la médecine neuronique. Ça va être relégué un peu. La psychologie va, si on fait un parallèle, 1992-1492, la psychologie, la psychiatrie va être considérée comme de la magie puis de la sorcellerie en termes de qualité. Là, ça va être du charlatanisme à peu près aussi pur, même si ça fonctionne de temps en temps, un peu comme le sorcier qui vient d'aspirer là, puis qui grache un peu partout puis qui danse pendant trois jours le temps. Il y a un patient sur 20 000 qui en vit, les autres meurent de rire. Bon, mais c'est un peu la même chose. Bon. Alors, il va y avoir l'instauration d'hôpitaux pour les corps astraux. Les corps physiques ne seront plus malades et on va travailler les corps astrales vers la fin du 20e siècle. Je ne te dis pas que c'est à l'échelle planétaire, c'est au niveau de l'innovation, au niveau des mécaniques de psychiatrie. C'est la direction que ça va prendre. Exactement. Comme avec Paracel, ça ne s'est pas mis à grandeur de la planète connue à ce moment-là. Ça Exactement. A été une direction qui a été... Il va être reconnu que la possession existe, reconnu que l'humain est totalement vicié, il va être reconnu que l'intoxication... d'une conscientisation de mécanique de pollution qui va se faire non pas uniquement au niveau du système matériel, mais au niveau du système astral puis au niveau du système mental de l'humain. Il va y avoir aussi au niveau social tout un changement complet au niveau des contextes. Et le mariage va être totalement dissous et absous. La possession de l'humain va être remise en question complètement. Ma femme, mon enfant, mon mari, ça va vibrer d'une façon extrêmement irritante dans la conscience de bien des gens. On n'aura pas tout changé de suite non plus. On va découvrir aussi la façon de placer... La façon d'orchestrer l'appel réincarnationnel à travers les individus, c'est-à-dire qu'on va même être capable de prendre des individus qui ont des torts physiques, grosses problématiques, qu'on ne les euthanasiera pas, on va avoir la capacité de transformer leur biologie de façon à permettre la réincarnation de personnes structurées fonctionnelles. Il va y avoir aussi l'accréditation et le support complet vers la fin du 20e siècle des mécaniques informatisées robotiques, c'est-à-dire que l'humain va pour la première fois de son histoire accepter de se laisser remplacer par la machine, sans avoir peur de perdre son emploi, parce que l'humain va découvrir qu'il a effectivement droit à une société de plaisir. Quand je parle de plaisir, je ne parle pas de plaisir sexuel, je parle d'une société de plaisir, une société de repos, où l'humain aura le temps de s'occuper de ce qu'il a à faire pendant qu'il va laisser les machines s'occuper de tout ce que l'humain s'occupait jusqu'à là. Donc, il n'y a plus les usines sont robotisées, l'enseignement est informatisé, les vols d'avions, le conduite automobile. L'humain va accepter que la cuisine se fasse par des machines. L'humain va comprendre qu'il ne perd pas de crédibilité ou d'estime propre en remplaçant les vils travaux par les outils qu'il a créés vers la fin du 20e siècle. Il va y avoir aussi un tournant majeur au niveau de la conquête spatiale. La reprise complète des programmes pour investir la Lune de façon à y créer sous terre une base. Il va y avoir le programme conjoint, mais américain surtout, pour la conquête de Mars va être extrêmement avancé vers la fin du 20e siècle, parce que les humains vont découvrir subitement l'importance de quérir d'autres terres, et surtout d'aller chercher. L'humain va découvrir que les habitants de la Lune... Des 8 bases qui seront en orbite vers la fin du 21e, donc début 21e siècle et Mars, L'humain va savoir que les êtres qui vont rester quelques années là ne pourront plus jamais revenir sur la Terre. Et que les enfants qui vont naître là sont des enfants qui ne pourront jamais connaître les plaisirs de la planète bleue. Mais tout ça, on va comprendre que ça fait partie des principes même de la survie de l'espèce humaine pour... En tout cas, il y a des choses que je ne veux pas dire présentement, mais l'humain va comprendre qu'il doit envoyer des antennes au-delà des sphères astrales planétaires pour permettre des contacts plus purs avec les mécaniques extraterrestres et les mécaniques planétaires. Bon. Maintenant, il y a d'autres technologies. Mais là, on parle évidemment de changements. Il y a des changements qui vont être matériels. Il y a beaucoup de changements qui vont être au niveau psychologique. Est-ce que les Américains vont avoir eu un téléporteur à ce moment-là? Non, les Américains ont déjà un téléporteur. Donc, la question ne se pose pas. Il y en a un? Oui. Il téléporte des mouches. Les Américains ont déjà un téléportable, les Américains... Fonctionnel. Oui, sauf qu'ils ne savent pas pourquoi il fonctionne. Qui l'a construit? Qui l'a redonné? Qui l'a redonné? Des visiteurs. Ça fait longtemps? Oui. Au Nevada? Oui. Sur la base qu'il y a... Là où ils font des explosions, en fait, les sur la base que... Sur la base qu'on a filmé dernièrement et qu'on a... Ah, ça, je suis pas au courant. Il y a trois ovnis, apparemment, qui seraient sur la base. Je me souviens plus de la ville, là. En tout cas, c'est l'une des bases qui a travaillé... Comment je peux dire ça? En tout cas, bref, oui. Ils ont aussi... C'est confirmé par... ce que je te dis là, c'est confirmé par un colonel de l'armée. Tu me demandes s'ils vont en avoir. Non, pas les téléporteurs. Okay. Oui, mais qui peuvent... Parce qu'ils ont déjà les Américains un appareil pour voyager dans le temps. L'avantage qu'il y a, c'est que l'appareil voyage uniquement dans le passé, puis dans un futur très, très, très restreint, très limité. Ils ne peuvent pas avancer à plus qu'à coup de quelques années, 30, 40 ans en avant, puis ils ne peuvent pas dépasser la frontière de l'an 2000. Pas avec l'appareil qu'ils ont là. Quand tu fais affaire avec des grosses compagnies. La frontière est trop différente de l'autre côté. Quand tu fais affaire avec des grosses compagnies ou des pays qui t'amènent une nouvelle technologie, t'amènent des ingénieurs avec, tu prends des contrats, puis tu. Fait un deal, puisque tu as un ingénieur qui te montre comment fonctionnent les appareils, les machines. Est-ce que ça a été le même cas? Non, les Américains sont trop assoiffés. Écoute, on va vous donner un téléporteur si vous nous donnez tant d'unités carbone. Et puis, allez-vous nous fournir quelqu'un pour nous montrer comment on s'en sert? Non. Ah, bien, ils acceptent quand même. Très beau. Les Américains ont accepté tout de suite. Les Russes aussi, d'ailleurs, ont eu des choses du genre. Mais les Russes se sont tellement martyrisés puis démolis par des guerres intestines qu'ils n'ont pu développer de technologie ou de science suffisamment avancée. Pour envoyer les satellites dans l'espace, les Soyuz, quand tu fais feu, là, c'est encore un gros bouton noir qu'on avait dans les Volkswagen en 1930. Tu sais. Puis les radars, c'est tous des cadrans aiguilles qui marchent à peu près plus, puis c'est des interrupteurs que tu allumes de même, puis tu en as des vieilles consoles de métal qu'on trouvait beau là, avant que je vienne au monde. Ils fonctionnent encore. Leur équipement est totalement désuet, uniquement à cause de guerre intestine. Fait qu'eux aussi ont eu des appareils du même genre, puis ils n'ont jamais rien réussi à faire. Alors, Ça serait la raison pour laquelle ils se sont alliés avec... Les Américains? Avec des alliés, les Russes? Non, c'est simplement parce que les extraterrestres ont une peur massive d'une guerre nucléaire entre ces pays-là. Alors, eux ont forcé, ils ont donné des ordres, ils ont forcé les dirigeants des deux grandes nations à s'associer. Alors, Gorbatchev a eu les informations, il a commencé à faire l'association, ça a détruit l'Union des républiques socialistes soviétiques. La Russie devra faire l'alliance aussi, puis il y a tout un paquet de bébelles qui vont se passer, là, que les livres d'histoire s'entendent un peu là-dessus, mais un peu moins. Mais en tout cas, bref, il y a un gros tournant vers la fin du 20e siècle. Surtout, ce qui va arriver, ça va être l'intervention massive de mécaniques extraterrestres, mais uniquement pour des individus. Autrement dit, il y aura ceux qui vont partir, puis il y aura ceux qui en auront entendu parler. Le monde le plus nouveau qu'on pourrait faire comme parallèle, 1492-1992, est-ce que ça serait... les voyages sur d'autres planètes, ou bien ça serait que l'homme va communiquer avec sa propre source? C'est beaucoup plus ça. C'est beaucoup plus exponentiel. Sur les autres planètes, ça a des pets. Tandis que pour Christophe Colomb, c'est tout un amanche. Disons qu'il y aura... Faire des parallèles, hein? Les parallèles, c'est toujours plate à faire. Vers la fin du 20e siècle, début du 21e siècle, il va y avoir suffisamment d'alliés humains qu'on pourrait rapprocher à des ordres de chevalerie ou à des ordres ésotériques qui, à l'époque, protégeaient les individus corrects, qui vont vivre à l'extérieur du contexte planétaire, puis qui vont avoir la capacité de venir diriger l'astral, puis de limiter au maximum les dégâts de l'astral pour permettre au maximum d'individus de transiter vers l'ère nouvelle, donc de sortir carrément du système actuel. Mais pour ça, il va y avoir une... Il va y avoir une guerre, mais la guerre n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est évident qu'il va y avoir une destruction massive. Quand je parle de destruction, ce n'est pas nécessairement au niveau militaire. Il y aura une destruction massive de toutes les formes que l'on connaît actuellement. Quand tu parles d'exponent... C'est dans le 21e. OK. Quand tu parles d'exponentialité, si on le regarde au début du 20e, au début du 21e, pas au milieu ou à la fin, là, mais les années qu'on va pouvoir toucher, nous autres, on peut parler, si on est en 2100, là, de combien d'individus là, qui sont connectés à leur source suffisamment pour ne plus retourner dans le monde de la mort? On parle énormément. Le premier transport est de 144 853. En quelle année tu parles? Moi, bon, l'année 2000-2010, c'est des années que... Quelles années tu as dit? 2100? 2100, non, les années qu'on va pouvoir toucher nous autres, là, tu sais. Mais en ce qui me concerne, moi, les 2100, 2500, 3000, 3002, je ne vais pas être touché. Oui, mais nous, Il y en a quelques-uns qui ne se rendront pas tout à fait là. Il y en a qui vont embarquer dans... Ils vont avoir leur billet. Le billet en poche. Ils vont embarquer dans l'avion. L'avion. D'accord. Par rapport à la question que tu poses là, présentement, considérons approximativement 17 à 22 000 individus, dépendamment de la date exacte. Alors que la majorité des gens ici, biologiquement, vont pouvoir toucher, là. Autour de 17 000 à 22 000 individus qui vont être en contact suffisamment puissant pour spirituellement faire office pour l'humanité d'un ordre de chevaliers, enfin des défenseurs. Et quand je parle chevalier, évidemment, on s'entend, là, c'est une spiritualisation, c'est un parallèle qu'on fait. C'est pas des militaires, le chevalier est militaire, mais je parle chevalier dans le sens toujours de délivrer la veuve et l'orphelin. Qui ne font pas partie, ni ça regarde ni la femme ni l'enfant, la veuve et l'orphelin. On parle de l'intelligence et de la conscience. Alors, autour de 17 000 à 22 000, dépendamment de la date. Ces individus auront un gène qui leur permettra de... ils auront un sans-gène. Sans-gène. qui leur permettra de diriger la race. Je ne vais pas en parler parce que présentement, ça va trop nuire. Ces individus-là vont avoir la capacité de voyager sur la Terre, de voyager à l'extérieur de la Terre, de voyager dans le temps. Ces individus-là vont, à un moment donné, probablement qu'on pourra en parler, à moins que tu aies des questions particulières, mais je ne veux pas trop parler de ce qu'ils vont faire ou de comment ils vont le faire parce que l'astral est totalement à l'écoute. Ces individus-là existent déjà présentement, et plusieurs sont déjà au monde, plusieurs sont déjà en formation, certains le savent, d'autres le croient. Quelle différence qu'il y a entre les deux? Parce que quelqu'un qui le croit, Daniel, c'est quand même quelqu'un qui ne vit pas dans le fin fond de l'Alabama, là. C'est quelqu'un qui a pris connaissance puis qui a à l'intérieur de lui quelque chose qui le pousse dans le derrière pour faire un cheminement quelconque, qui a eu accès à bon, mais c'est l'astral, certain, qui force à s'en aller niveau. Là où il n'a pas à aller. Puis ça peut être éliminé. On fait tout pour convaincre l'individu. Toi, là, t'as mal à une dent, prends de l'aspirine, ça va guérir. Là, ce que l'astral fait, c'est qu'elle donne de l'aspirine à tout le monde, là, t'en prends toi aussi. Là. Ils ont tous des ulcères à l'estomac, et l'autre est malade. Bon. Là, ça prouve que l'aspirine, c'est pas bon. C'est à toi qu'on a dit d'en prendre l'aspirine, pas à tout le monde. Fait que l'astral fait souvent ça. Il y en a un ou une qui doit se former de telle, telle façon, puis il y en a 15, 20, 30, 50 qui s'essayent, puis là, tout le monde, après ça, peut aller dire à l'astral, puis communiquer ça inconsciemment à tout le monde, que c'est dangereux, puis que c'est pas bon. Mais le monde n'a pas passé par le même chemin. On n'a pas à décider que tu veux être. Mais c'est évident que, présentement, il y a tout un brouhaha. Puis moi, ce qui me mérite un peu, c'est que la planète Terre, elle est sur une corde de raide de plus en plus mince, entre éviter les grandes guerres et s'en sortir, puis tomber dans ce qu'il y a de pire. Puis plus on va être prêt de réussir, plus la guerre, si on ne réussit pas, va être absolument débile. Moi, je ne suis plus là. Mais la guerre va être totalement atroce. Alors, plus on va être prêt de réussir, plus terribles vont être les événements, parce que l'humain va être plus conscient, donc l'humain va être plus mental, l'humain va être torturé plus que ce que l'humain n'a jamais fait dans le passé, ça ne le dérangera pas. Il va avoir la technique, la technologie. Il va, c'est une vraie, entretenir, parce que, est-ce que c'est, pour être c'est la... ça, horrible, tu sais, en tout cas, élever des peuples uniquement pour les chasser, dans l'heure des avenirs de l'humanité, mais... Est-ce qu'il se pourrait que les guerres dont tu fais allusion proviendraient d'une façon qu'on ne s'attend pas du tout, soit par exemple comme le sida? C'est une guerre que l'homme a à vivre, peut-être. Pas oui. Présentement, il y en a qui l'ont à vivre. Nous autres, ceux qui ne l'ont pas, ici, là, ils n'ont pas à vivre cette guerre-là. Mais si ça se répandrait par un autre moyen que ça se répand présentement... C'est une guerre de gens, le sida. Mais non, il y aura une guerre matérielle, absolument. Il va y avoir d'autres petits problèmes aussi là, qui peuvent apparaître, parce que la planète Terre, elle est... Présentement, les plaques tectoniques sont au maximum de compression. Les quoi? Les plaques tectoniques. Les plaques intercontinentales. En tout cas, bref, il va y avoir un maudit paquet de tremblements de terre. Alors, une plaque tectonique, c'est une des plaques qui vit sous la matière en fusion du centre de la, pas du centre de la Terre, le centre écrume, mais sur le dessus. Et ça bouge. Puis ces plaques-là se déplacent sans arrêt. Et présentement, les plaques intercontinentales s'accotent les unes sur les autres depuis trop longtemps. Puis la pression est au maximum. Alors, ça va péter à bien des places en même temps. C'est évident, mais c'est une question d'émancipation de la conscience des gens du Québec. Alors, il y aura deuxième trompette. Elle va être pas mal forte, on va l'entendre de loin. Mais on parle de trompette, évidemment. C'est pas tromper l'homme, c'est pas le distraire. Alors, c'est pas le sida. Le sida, c'est intéressant, mais on est déjà en train de le battre, le sida. Là. Bon, je dis sida, ça peut être autre chose. Là. Est-ce que c'est le sida astral est frictionnement bien, de plaques, c'est cette pression qui va éclater, va... débalancer la planète Terre et la replacer angle... Non, ça ne sera pas de pousser de moustache à personne. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir tout un... Ça va faire des changements de... Je ne veux pas en parler. Des déplacements d'eau. Ça fait partie de mon monde. Ça fait partie de la désolation du monde des autres. Le moindrement qu'il va y avoir un mouvement technonique dans une ville particulière, du moment que ça va commencer à bouger un peu, à cause d'une pédagogie et d'une éducation totalement viciée à l'échelle de la planète Terre, la majorité de la jeunesse mondiale, quand je parle de la jeunesse, je parle de ceux qui ont la capacité d'avoir de l'intelligence. Même à 40 ans, c'est de la jeunesse. La majorité de ces gens-là vont s'irriter au maximum, ils vont devenir mentalisateurs, puis ils vont engendrer des guerres civiles partout, du vandalisme, de la destruction. Détruit Montréal un peu, là, un tremblement de terre majeur. Non, pas Montréal. Détruit le Canada, comme il faut, là, avec les États-Unis, puis une partie de l'Europe. Empêche les pays riches de venir nous aider. Puis là, si tu n'as pas une arme réelle, tu ne vivras pas longtemps ici. Ça va être l'anarchie de destruction majeure à l'échelle du pays qui va être atteint. Alors, l'un des graves problèmes, ça va être ça. Quand ce qui permet à l'humain malheureux d'être un peu bien, les distractions, sont plus accessibles, vont être détruits. L'humain va être carrément... Présentement, l'humain, c'est à l'échelle de la planète Terre, partout. Je ne parle pas des peuples perdus, le Tassadaï ou Pijanjara, ou etc. Là, je parle de l'humain en général. Donc, tous les pays répertoriés sur les cartes avec des gouvernements, tous ces humains-là, 5 milliards, 400 millions d'humains, sont des humains qui sont extraordinairement malheureux, extraordinairement défaits. C'est pourquoi ils s'accrochent à des religions qui les bafouent sans arrêt, ou à des sciences qui les bafouent sans arrêt, ou à des gouvernements qui les bafouent sans arrêt. Et quand tu vas éliminer ça, l'humain va être totalement désemparé, totalement perdu, c'est la panique générale. Puis les égos vont, en panique, vont déconnecter l'humain complètement des structures d'intelligence. Puis là, en panique, l'ego va faire n'importe quoi, il va s'en balancer. Il n'y a plus rien à perdre qui va se dire, puis ça va être une anarchie majeure à l'échelle planétaire. Ça, c'est une des grandes destructions. Est-ce qu'à ce moment-là, les mondes parallèles viennent de couper avec l'homme? Parce qu'ils l'ont amené, ils l'ont dirigé. L'intelligence va couper avec l'homme, pas les mondes. C'est l'intelligence qui va couper. L'intelligence va se dissocier, elle va amener avec elle les transportables, puis on va laisser les choses se faire là. En mentalisateur, on va regarder et on va dire, écoute, dans 300-400 ans, et ça va arrêter, là. Puis on verra. Mais c'est évident qu'à cette époque-là, il va y avoir un kidnapping majeur des enfants, de quelques adultes, de la part de ceux qui auront été transportés. Je ne veux pas parler. Non, pas du tout, mais... Non, c'est ça. C'est des choses qui vont arriver, mais... L'homme qui va se connecter avec sa source de façon constante ou à volonté, qui va être en mesure d'avoir atteint... Bon, moi. Le niveau... Oui, le niveau pour le faire. Pose-moi la question. Qu'est-ce que tu fais quand... Qu'est-ce que tu vas faire quand? Ou qu'est-ce qui se passe quand? ça se téléporte, hein? Oui, ça me mélange. ma question, c'est... OK. Un homme, parce que tu vas en amener d'autres à ça. OK? Non, mais il y en a d'autres qui vont y aller, oui. Il y en a d'autres qui vont y aller. Oui, tu les amèneras pas, mais il y en a d'autres qui vont y aller. Alors, pour toi et ceux qui vont y aller... C'est difficile à dire pour toi. Vas-y, continue. Non, c'est bon. Non, pour toi et ceux qui vont y aller. Vas-y. Parce que je ne veux pas couper et dire que toi, tu vas y aller, puis il y en a d'autres qui vont y aller aussi. Qui vont se entrer dans leur source, qui vont être dans leur esprit. Comment ça va fonctionner au niveau de la science, par exemple, Daniel? Tu sais, aujourd'hui, la science est faite par des gens qui ont étudié, qui ont un bagage de connaissances, puis qui pratiquent un peu, puis on les met ensemble dans un melting pot, puis, tu sais, ils agrandissent les connaissances, ainsi de suite. Mais quand tu es connecté avec ta source, tu as accès à l'information. Est-ce que ça va être des spécialisés ou si un scientifique va pouvoir travailler, c'est un téléporteur, va pouvoir servir de bord pour faire de la cuisine, va pouvoir, tu sais, parce qu'il va avoir accès à toute l'information qui va lui être nécessaire, mais vas-tu être plus spécialisé ou bien s'il va avoir plutôt tendance à être généralisé? Bon, ça, ni un ni l'autre. À l'instant où moi ou les autres vont être en contact permanent avec leur source, moi je suis en contact permanent, puis je suis en contact volontaire plus puissant. Et à l'instant, mais c'est pas suffisant, à l'instant où ces individus-là vont avoir transformé la totalité des ressources astrales en double éthérique, c'est pas juste avoir un contact. Le contact amène le savoir. Après ça, il faut que tu puisses avoir de la volonté, après ça, de la créativité. Quand tu as la créativité, pendant que tu as le savoir, tu amènes une nouvelle science. Moi, c'est la pédagogie. Bon. La médecine, à un moment donné. Bon. Quand tu as la volonté, tu vas maintenant créer des empires. Des empires en termes d'affaires, des empires en termes de gouvernement, des empires en termes de société secrète, mais tu crées des empires. Bon. C'est-à-dire que tu as la volonté maintenant pour appliquer le savoir que tu as, donc tu es maintenant capable de bénéficier de ton savoir dans un contexte comme celui de la planète Terre. Et quand tu as la créativité, qu'est-ce que tu fais? Tu peux créer. Alors, tu fais une seule chose, tu as fait tout de suite, tu sacs ton camp. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais amener des nouvelles sciences et les autres vont amener des nouvelles sciences tant qu'ils n'auront pas la capacité de s'en aller. À l'instant, on va avoir la capacité de s'en aller, au yob la science, au yob la planète, au yob le passé, au yob tout, on s'en va. Ce qui va arriver, c'est qu'un autre qui est en train de monter, il va lui amener une nouvelle science aussi. Il va pouvoir amener une nouvelle science par-dessus la science qu'on aura amenée, détruire même les sciences qu'on aura établies à l'époque pour mettre une nouvelle science par-dessus qui peut ajuster avec le contexte psycho-ascensionnel des individus. Mais l'individu qui a un contact libéré, un contact avec sa source, libéré des contraintes planétaires matérielles, ne reste pas à l'échelle planétaire. Ça n'empêchera pas de faire des visites là, s'il y a des affinités énergétiques à accomplir ou à combler. Parce qu'il y a une différence entre combler un besoin psychologique et combler une mécanique énergétique. Et puis, l'individu peut, un individu ou deux ou trois, ça peut naître à les rencontrer, mais il n'y a pas de nouvelles sciences, il ne reste pas là. Est-ce qu'il va partir au moment où il va être en mesure de cristalliser son âme? Bien, cristalliser son âme, c'est un terme très intéressant, mais qui est un petit peu faux. C'est-à-dire qu'il provient matérialiser d'abord? Mais non, cristalliser son âme, on peut dire purifier son âme? Non. Ça, la purification est nécessaire pour la cristallisation dont je parle. Cristalliser son âme, c'est uniquement créer, c'est finaliser le double éthérique pour en faire un transporteur séraphique. Fait qu'effectivement, dans l'ordre chronologique, tu as raison dans ce que tu dis. Mais du moment qu'un transporteur séraphique, l'âme est solide. Oui. Mais elle peut, pourquoi il n'y a plus d'ego, il n'y a plus rien, la lumière traverse. Bon, c'est un double éthérique qui est maintenant un transporteur séraphique. Puis avec ça, il voyage. Au-delà des limites imposées par la quadrature dimensionnelle actuelle, et puis l'individu voyage donc plus vite que la lumière, et c'est bon. Fait que là, puis là, maintenant, il peut, on peut dire, ça s'appelle du voyage, en tout cas. T'as pas besoin de passer par l'agent de voyage. Non, ça, c'est du voyage. Pas besoin d'American Express pour avoir ton billet. Non, ça n'a pas quitté, mais ça balance. Ça, c'est du voyage. Okay. Ça, c'est du voyage. Est-ce que... tu dois te limiter dans à la densification de ton âme, j'imagine. Hein? Parce que l'âme est un véhicule qui s'est transformé. Tu me poses la question à moi ou tu dis Non, nouveau absolu. Je retire ce que j'ai dit parce que j'ai mal dit ce que je voulais dire. Lorsque ton âme, ton séraphique est formé, là, c'est un véhicule que tu utilises pour voyager dans le temps. Transporteur séraphique, oui. Transporteur séraphique que tu utilises. Tu n'as plus d'âme, ton corps est totalement cristifié, le corps de chair est un corps de lumière. Okay. Tu n'as plus d'âme parce que tu t'en vas. Mais lorsque tu reviens sur la planète Terre, ce transport séraphique-là, tu dois le rendre âme encore, cristallisé, non? Non. Maintenant, il faut s'entendre par âme. Quand tu dis que c'est plus une âme, c'est encore une âme si tu veux, là, mais on prend un autre terme parce que l'âme est trop amifiée, trop spiritualisée, etc. Mais, l'âme qui a été transformée. Transporteur séraphique. Quand tu reviens sur la planète Terre, ton transporteur devient un corps de chair. Mais il ne subit pas les conditions évolutionnaires des animaux parce que ce n'est pas un corps animal. Non. C'est un corps de forme. Donc, tu reviens là, mais là... Bon, à ce moment-là, est-ce que tu peux bénéficier, si tu veux bénéficier de un peu de l'astral que tu peux penser? Il n'y aura plus d'astral de toute façon à l'époque. Il va y avoir du mental. OK. On parle de quelle année, ça? Là, on parle toujours du début 21e siècle. OK. Il va y avoir du mental. Le mental va être aussi dangereux que l'astral à l'époque. Comme présentement. Oui, présentement, c'est le mental est plus mentale. Dangereux que l'astral. Mais le mental est dangereux. Il est plus dangereux. Non, mais il permet à l'astral plus d'atrocités, mais dans le passé, il n'y a pas de mental, puis l'astral est suffisamment dangereux. Sauf que l'astral va s'éliminer lentement, vers la fin du 21e, début du 20e, début 21e, puis le mental va prendre la place. Le mental est beaucoup plus court-circuitant que l'astral. Oui. Il n'est pas plus dangereux pour l'homme, mais... Mais pour l'homme qui a un certain c'est niveau... C'est un peu là. Une espèce de... Au lieu de souffrir pendant 20 ans, tu vas souffrir plus pendant 2 ans. C'est le mental, ça, comparativement à l'astral. OK. Maintenant, l'homme... Pas l'homme, mais... L'homme qui sait, qui est au courant qu'il a une multidimensionnalité, qu'il est multidimensionnel. L'homme qui l'a appris ou l'homme qui le sait? L'homme qui sait qu'il est multidimensionnel. Pour ce faire, il a besoin de savoir comment savoir que l'astral existe. Ah, s'il sait qu'il est multidimensionnel, s'il l'a appris. Il a passé par ça, c'est ça. Il a passé. S'il sait, il sait tout ça. Bon, OK. Cet homme-là a dévoilé, s'est dévoilé et dévoile autour de lui habituellement parce que c'est, je pense que c'est la loi, que c'est de la façon de la loi, mais c'est la seule façon de ne pas couper le contact. Okay. Il a déchiré des voiles d'un monde qui est parallèle au monde apparent de l'homme présentement. C'est un... J'ai de la misère à le dire, mais ça va venir. Cet homme qui a déchiré le voile de certaines lois d'un monde parallèle, pour balancer ça, est-ce que le monde parallèle déchire des lois, des voiles que l'homme a? Pas des voiles, mais pénètre, fait une brèche aussi, parallèlement, pour balancer, parce que tout est balancé habituellement, à l'intérieur d'une dualité. Parce que là, lorsque ça se produit, c'est une brèche qui est faite dans le monde parallèle, pas les mondes astrales, dans les mondes parallèles. Et puis, est-ce qu'il y a pour balancer une brèche qui est faite dans l'homme qui ne connaît pas sa multidimensionnalité? Oui. Comme ça, oui. C'est pourquoi c'est extrêmement important de diffuser au maximum l'intelligence, pas en faisant du porte-à-porte, je le répète toujours, il y a beaucoup d'autres mécaniques. Rends intelligent la médecine, tu diffuses l'intelligence. Rends intelligent une diffusion d'une émission de télévision. Tu sais, un gars qui serait une femme directeur d'une station de télévision, ça rend ça intelligent un peu. Elle rend intelligent, elle n'a pas besoin de dire vous êtes manipulé, elle passe des mécaniques intelligentes. Plus on va rendre ça intelligent à l'humain, plus on va être capable de colmater les brèches, enfin de diminuer les assauts de l'astral. Mais c'est évident que chaque fois qu'on se conscientise ou qu'on brasse quelque chose, ailleurs dans le monde, là où il y a un chien non faible, l'astral se dirige là-dessus pour taper ça au maximum, de façon à être capable de créer un ennemi matériel suffisamment capable, suffisamment puissant, pour venir anéantir le corps matériel qui permet à l'intelligence de descendre. Sauf que les individus qui vont vouloir anéantir un corps matériel, le mien ou quelques autres, vont être brûlés bien avant de nous toucher. Est-ce que la possession de plus en plus dense qu'on voit, qu'on réalise, est la réponse à ce que l'homme... À sa conscientisation. À sa conscientisation. De toute façon, oui. Plus on va se rapprocher de la possibilité de bifurquer pour aller vers le monde qui appartient à l'homme, plus l'humain va être manipulé à tout faire pour détruire les possibilités d'y aller. Il faut occuper l'homme. C'est pourquoi, à un moment donné, l'individu qui se conscientise doit apprendre à se détacher. Comme je disais au début, les ancres qui sont jetées, qui ne veulent pas remonter, il va falloir qu'on coupe. Parce que si on est trop attaché, ça veut dire qu'on dit carrément aux hiérarchies par l'astral, ben, distrayez-moi, je ne pourrai pas rien faire. Fait que ton fils est malade, ta femme est malade, ton mari vire fou, on te distrait. À un moment donné, il faut que tout ça soit en balance. Fait que là, ils ne peuvent plus te toucher. Et tant que tu es attaché, tu es distrayable. Il y a toujours un balancement. C'est comme l'homme qui se fait salir par la presse devrait s'arranger pour se faire laver par l'impôt. Les personnes intéressées, laissez leur nom. Vous pouvez le faire à Michel ou à Eric. Merci. Bonne année.